les années passent trop vite, le temps s'échappe comme une fuite de gaz. Les événements s'enchaînent à la suite comme les mots entre formes des phrases. Je me rappelle les cours, l'époque du collège, promène les rires sur feuilles vierges comme la petite à côté. Première imposée comme mon cul sur le siège, j'ai passé pas mal d'années à le chauffer en me disant je m'en fous dans le rap, je vais percer. Je m'aperçois aujourd'hui seulement que j'ai perdu trop de temps, merde, et la date est passée. C'est foutu, ce qui est fait est fait. Fait n'a pas été. Croyant faire le monde, une bouteille à la main. En tirant des grosses barres sur un joint, en écoutant ce refrain qui nous disait le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. On était juste des membres qui pensaient choisir leur destin. Chaque minute reste à tombe, c'est la réalité, cousin. Chaque minute approche de la fin. Je me prenais pour un homme quand les chétans m'ont pris par la main. J'ai mal aux reins quand je repense. Combien de fois je me suis retrouvé à dégueuler le matin. Combien de fois je me suis dit à quoi bon, ça sert à rien. Si j'avais su, ouais, si c'était à refaire. Si on m'avait prévenu, je l'aurais pas cru. Je pense que j'aurais rien changé. Si j'avais su, ouais, si c'était à refaire. Si on m'avait prévenu, je l'aurais pas cru. Je pense que j'aurais tout foiré. Si j'avais su, ouais, si c'était à refaire. Si on m'avait prévenu, je l'aurais pas cru. Je pense que j'aurais rien changé. Si j'avais su, ouais, si c'était à refaire. Si on m'avait prévenu, je l'aurais pas cru. Je pense que j'aurais tout foiré. Je me rappelle d'une époque où je voulais faire péter l'audimat. Je me disais jamais je baisserai mon froc. Et nique sa mère au prof de maths. Moi je m'en bats les couilles de l'école. Qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre, c'est con. Je préfère taguer sur mon cahier, écrire mes premières rimes bidons. Ouais, je me rappelle. Ça valait rien, mais que c'était bon de flirter avec les interdits, se retrouver en clan à la récréation, faire la misère aux plus petits. À l'époque, je rêvais de Nike Air et de 103 MVL. Un Walkman vissé sur le crâne, j'écoutais le futur. Que nous réserve-t-il? J'en savais rien, j'avançais poste, car dans la poche, vers mes premières nuits au poste. Et quand mon père venait me chercher, là, je redevenais un vrai gosse. Loin du boss, si ATM, et de nos rêves de petits boss. Loin des premiers joints d'herbe et des canettes qui désossent. Si aujourd'hui j'ai des regrets, c'est d'être fier de mon passé. Pour rien au monde, je voudrais le changer, c'est ce qui a forgé ma personne. En somme, je suis pas un héros. Je me souviens petit dans les films, moi je préférais les bandits. Les années ont passé, je nous ai pas vu changer. Des ATM à CNC, de la vendetta à déjà mort. Des années 93 à 2004. Si j'avais su, si j'avais su, ouais, si c'était à refaire. Si on m'avait prévenu, je l'aurais pas cru. Je pense que j'aurais rien changé. Si j'avais su, ouais, si c'était à refaire. Si on m'avait prévenu, je l'aurais pas cru. Je pense que j'aurais tout foiré. Si j'avais su, ouais, si c'était à refaire. Si on m'avait prévenu, je l'aurais pas cru. Je pense que j'aurais rien changé. Si j'avais su, ouais, si c'était à refaire. Si on m'avait prévenu, je l'aurais pas cru. Je pense que j'aurais tout foiré. Si j'avais su, ouais, si c'est à refaire. J'aurais pas attendu que ça se fasse et me serait donné les moyens de le faire. On croit que ça va venir et on attend. On se dit dans le délire que la route tourne. Et ben attends, moi cette putain de roue me fait tourner que des problèmes. Je sème mes graines, mais récolte rien. Je sème l'engraine que récolte les miens. Si j'avais su, on se le dit souvent. Mais dans le vif de l'action, pas le temps de se poser une seule question. Réaction rapide, réflexion stupide. Mais c'est trop tard, y'a plus rien à faire. Sauf se servir des erreurs pour pas les refaire, se projeter dans le futur. Certains diront c'est trop facile. Au fur et à mesure je vis ma vie et ça c'est un bon deal. Le fil des jours qui défilent devient plus vieux mais sans regret. On vit en vieux des moments passés. On se remémore les scènes et c'est tant mieux. Je vis mon passé comme un combat réussi. Je veux vivre mon présent comme ces textes que j'écris. À chaque fois que c'est pas bon, une rature et c'est reparti. Une rature et c'est reparti. Une rature et c'est reparti. Une figure de style immortalise ce texte pour la vie. Et là y'a plus rien à refaire. Plus rien à refaire. Si j'avais su, ouais, si c'est à refaire. Si on m'avait prévenu, je l'aurais pas cru. Je pense que j'aurais rien changé. Si j'avais su, ouais, si c'était à refaire. Si on m'avait prévenu, je l'aurais pas cru. Je pense que j'aurais tout foiré. Si j'avais su, ouais, si c'était à refaire. Si on m'avait prévenu, je l'aurais pas cru. Je pense que j'aurais rien changé. Si j'avais su, ouais, si c'était à refaire. Si on m'avait prévenu, je l'aurais pas cru. Je pense que j'aurais tout foiré.